21-11, observation, masculin et féminin. La zoologie, la philosophie, la géologie, la géographie, la psychologie, la photographie, la physiologie, la chimie. Notez que tous ces noms se terminent par IE et qu'ils sont tous féminins.